le bassiste Alain Caron, la légendaire chanteuse américaine Shayla Jordan font partie des têtes d'affiche de cette première mouture. Québec Jazz en juin, du 20 juin au 30 juin. Une collaboration de Arte Boréal en collaboration avec les foyers Dombard et Hôtel Château-Laurier Québec. Programmation sur québecjazzenjuin.com. Billets en vente à la billetterie des salles du festival, sur lepointdevente.com, sur jazzenjuin.com ou à la porte les soirs de spectacle. Tout le monde a été ou sera témoin d'intimidation au travail. Sauriez-vous quoi faire? Ici Mélanie Florent, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Le but de ma conférence est de sensibiliser vos équipes quant au savoir-être et au savoir-vivre en entreprise. Ce que vous allez apprendre, qu'est-ce que le harcèlement en milieu de travail, les différents acteurs impliqués et les ressources à votre disposition. Pour en savoir davantage, visitez intimidationautravail.com ou 418-717-2222. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Hey, vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde. Et on a Stéphane Desbiens en entrevue de Deep Project. Salut Stéphane. Allô, ça va bien? Eh oui. Ouais. Et Marc Chaunet à l'animation et au choix musical. Mais on va se partager ça, là, puisque Stéphane nous a amené des pièces là, lien avec un spectacle que vous allez faire à Québec au mois d'octobre. Exactement. C'est le 5 octobre prochain. Ouais. Deep Project avec Red Sand. Un programme double, groupes québécois qui ont commencé presque dans le même temps, 2003-2004, exactement, dans ces coins-là. Exactement. Puis vous avez une carrière, chacun, là, une bonne carrière. C'est ça. Donc, on mais discographique. Moi, c'est ça. Et j'ai commencé à travailler avec Simon Caron de Red Sand sur l'album Mirror of Insanity, qui date de 2004. C'est là qu'on s'est connus. Le tout premier album. Oui, j'ai fait les claviers, puis on a enregistré, mixé ça, puis on a travaillé ensemble sur le dernier aussi. Donc son album Forsaken. Oui, qui est le dernier, qui vient de paraître au mois d'avril ici. Ben oui, il est venu faire un tour à l'émission. Ouais. Là, il était avec Jean-François, puis Il a présenté là, des pièces. Puis là, c'est vous ça. En êtes arrivé finalement à décider de faire un spectacle ensemble. Oui, c'est ça. On a fait une collaboration en studio. Donc, après ça, on a dit, ben pourquoi pas, on ferait pas un show avec les deux groupes dans une même partie. Ce qui est intéressant, ben c'est qu'on va faire chacun notre partie, mais à la fin, ben dans la troisième partie du spectacle, si on peut dire, on se regroupe toute la gang ensemble. Et ça va être tous les musiciens ensemble qui vont jouer. On va jouer des pièces de Red Sand, puis Red Sand va jouer avec nous autres aussi. Wow. Donc, ça va être trippant. Puis, deux drummers sur le stage aussi, là. Ça va être comme le bon temps de Genesis. Wow, ouais, ben c'est un beau concept, c'est ça. Ben oui, ouais. Je voulais justement. Et puis ça va être à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou. Cégep Limoilou, c'est ça. Ben, justement, ici à Limoilou. Puis c'est une belle petite salle. Là, vraiment, parfait. Ben, là, c'est là que Riverside est venu récemment. Oui, c'est ça. Il y a quand même quelques spectacles de prog qui viennent de temps en temps. Vraiment. Puis c'est une belle salle avec l'éclairage, le son, c'est vraiment écœurant. Là. Puis là, il y a une pré-vente en plus. Là, c'est vraiment pas cher. Hein. Oui, sur le point com, le point de vente. Ouais, ça c'est déjà en vente. Oui, Québec Prog. Vous tapez ça sur Internet, c'est ça, puis vous allez tomber sur l'événement qui est le 5 octobre cette année. Oui. Après l'été. Bruno est mort de rire. Après l'été, là, le temps qu'on, c'est ça. Qu'on se repose un peu. C'est ça. Ben, c'est le fun. Écoute, mais comment ça s'est passé justement là? Vous avez fait la dernière fois que tu es venu, c'était juste avant votre spectacle du mois d'octobre l'an dernier. Vous avez fait votre lancement. On a fait notre lancement. Puis là, vous êtes allé en France. On est allé en France, ça a super bien été. Oui. Et puis, celle qui joue du violon avec vous, là, je pense qu'elle ne vous a pas accompagné en France. Hein? Elle vous a accompagné en France. Elle était là aussi, Donc, on a fait ça. Donc, est-ce que le groupe est toujours... vous êtes toujours les mêmes musiciens? Oui, ben, il y a eu quelques changements, mais la base est toujours là. Isabelle Cormier, excuse-moi. C'est ça, j'avais la voix devant moi, mais... Ouais, toujours mon fils à la base. Oui. Puis Jean Gosselin, évidemment. Et puis c'est ça, ben au mois de janvier, on a commencé le mixage de l'album de Red Sand. Ouais. Donc bon, j'ai travaillé avec Simon sur le mixage et tout ça. Puis j'ai fait un peu de clavier. Puis là, ça nous a donné le goût de retravailler ensemble. Donc on dit pourquoi pas de mettre les deux groupes ensemble pour faire un spectacle. Un spectacle assez qui va être élaboré. Puis c'est vraiment, j'ai pensé au concept, j'ai dit, ah ben, ça serait vraiment le fun là, de jouer les pièces des autres, puis voir comment ça sonne. Mais à 8 musiciens sur le stage, je pense que ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, d'assez. Hey, mais je propose aux auditeurs et auditrices d'écouter donc une super bonne pièce de votre récent album, Find Your Son. Oui. D'ailleurs, il s'est classé. J'ai regardé sur Prog Archive, là, qui est pas mal un site de référence. Oui. Puis pour l'année passée, là, tu t'es pas mal classé dans les top 50. Oui. Puis c'est la même chose pour Red Sand jusqu'à maintenant, sur le même site là, pour cette année. C'est le fun de voir que les groupes de Québec sont quand même. Puis t'étais quand même. Vous étiez dans les même top 25. Oui. Même les, tu sais, par rapport à, c'est quand même des cotes internationales. Oui, puis on dirait qu'il y a pas une évasion canadienne, mais il y a beaucoup de, on va jouer en Europe, hein, donc Il y a un intérêt pour les groupes québécois, entre autres. Surtout en Europe. Oui, c'est malheureux, mais c'est ça. Mais nous, on est chanceux, on va l'avoir ici. Oui, puis vous allez l'avoir d'en face, je peux vous le dire. Je propose qu'on écoute Tell Me, de superbe pièce de Find Your Son. Puis aussi, on va enchaîner avec une pièce de Red Sand, tirée de Forsaken. Oui, c'est Forsaken Part 2. C'est sûrement des pièces qui vont être interprétées en spectacle. Oui, c'est une très bonne pièce. Bon, mais allons-y tout de suite avec ça, puis on revient en entrevue avec Stéphane Desbiens. We'll be right back. Thank you. I don't listen. You talk about me. But I can see your sad eyes. I can touch your forgotten void. You were always to drop like a kind of black flies, something that trusts my heart. Kind of blindly, the signs seem shy. Goodbye, candle sight. Somewhere in your mind, I'm kindly nailed here in lies, white lies. Don't forget all the songs sighed. Something in the wind about you, the only bursting in the dark. I'm lost without your smile, but they'll always be there round the clock. We'll take fate through the capsule into you. The strange breeze on the night. The shadow over the light. Cover all the night eyes. You're completely crazy. CKRL. La Ninkasi présente Seb's Music Shop de Sébastien Plante, chanteur du groupe Les Respectables. Accompagné de son drum de style New Orleans et de ses guitares, il revisite ses différentes influences musicales. Seb's Music Shop en solo, le samedi 14 septembre, à la Ninkasi dès 21h. 20$ en pré-vente, 25$ à l'entrée. Billets disponibles à la Ninkasi ou via lepointdevente.com. Ninkasi.ca, 18 ans et plus. La coopérative, la maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec, vous offre 4 salles en location pour tout genre d'occasion, à un prix des plus concurrentiels. Elles peuvent accueillir de 10 à 100 personnes. Wi-Fi, projecteur, écran, disposition modulable, plafond haut. Près des transports en commun, parc à vélo intérieur et stationnement facile. Pour plus d'informations ou pour faire une réservation, rendez-vous au maison.coop. Et de retour avec Stéphane Desbiens en entrevue, on a écouté la musique de Deep Project et également Red Sand. Ce qu'on avait, ça avait terminé avec Red Sand, Forsaken Part 2. Oui. Et Red Sand tiré de Find Your Son, le plus récent album, Tell Me. Très bonne pièce. On pense que t'aimes King Crimson? Oui, vraiment. Ouais. Robert Fripp. J'ai même il t'a beaucoup inspiré. Vraiment, puis j'ai même un gilet que quelqu'un m'a donné de Robert Fripp. Là. D'ailleurs, on parlait du dernier plus récent spectacle de King Crimson qu'on était allé voir au Centre Vidéotron. Là. Incroyable. Wow, quelque chose. Mais revenons à nos bons groupes du Québec. Vous faites un spectacle, donc Deep Project et Red Sun ensemble le 5 octobre prochain. C'est ça. À la salle Sylvain Lelièvre. C'est Cégep Limoilou, ici à Québec. Puis, ben c'est ça, là, comme tu nous disais, vous allez faire comme, bon, chacun va faire sa partie de spectacle. Puis après ça, vous allez vous rassembler. On se rassemble. Puis là, toi, tu vas jouer, par exemple, des pièces avec Red Sun. Exactement. Et Red Sun que tu n'as jamais fait en spectacle, évidemment. Red Sun vont jouer des pièces de Deep Project, puis vous allez avoir des surprises. C'est ça. On va avoir des surprises. On ne peut pas tout dévoiler ce soir, mais... et c'est ça. Moi, je vais faire du clavier aussi avec Red Sun, et on va s'échanger. OK. Fait quand tu joues avec Red Sun, toi, tu joues des claviers. Oui, je vais jouer des claviers un petit peu. Parce que là, vous êtes chacun des guitaristes. C'est ça. Puis, Il va peut-être avoir des pièces que tu n'as jamais interprétées, puis que tu vas faire finalement des versions. Le fait d'être à deux bands, ça t'a inspiré. Exactement. Là. Mais t'as tout compris, mais t'en dis un peu trop. Non, mais c'est vraiment ça. Donc, on va pouvoir faire des versions aussi. Mais à 8 musiciens sur le stage, là, ça devrait. Avec deux drummers, je vous dis que ça donc, de quoi qui même pour ceux là, qui vous ont vu en spectacle récemment, là, ça va être complètement un autre spectacle. C'est là, un vous autre allez spectacle. Développer un concept. C'est ça. C'est sûr qu'il va y avoir. Il y a des pièces qu'on va refaire. Là. On a nos classiques là, dans notre répertoire. Oui, toi, tu revisites pas mal chacun des albums. Oui. Une pièce d'au moins chacun des albums, de Shimmering Light. Absolument. Sagarmatha Dilemma. Oui, Big Face. Making Sense, puis le dernier, Find Your Son. Donc, je vais piger un petit peu partout. Là. Mais il y a des pièces qu'on va faire qu'on n'a jamais fait encore en spectacle. Je pense aussi Red Sun va faire un spectacle différent. Celui qu'ils viennent de présenter il n'y a pas longtemps au Centre d'Art La Chapelle. C'est ça, ça va être différent. Simon, il y a beaucoup de pièces, je pense, de prêtres. Donc, le spectacle va être différent. Là. Ça va être d'autres choses aussi. Donc, on rappelle là, que les billets sont déjà en vente. C'est une pré-vente. Là. C'est ça, sur le point de vente. C'est vraiment pas cher. Là. Non, c'est pas cher. Et puis, pour voir deux formations comme ça, comme tu disais, avec le visuel. C'est ça, le visuel, l'éclairage, le son là-bas, l'ambiance de cette salle-là. L'ambiance qui est vraiment superbe. Vous allez passer une belle soirée, je peux vous le garantir. Puis pour ceux qui se fient aux groupes internationaux, ben, vous regarderez l'Allemagne, ils invitent souvent Red Sun. Vous avez été invité en France. C'est ça. Puis, en tout cas, les festivals en Allemagne s'intéressent beaucoup, comme tu disais, aux formations québécoises. Il y a eu Carcius de Montréal qui a été invité aussi. Ouais, c'est ça, Mystery. Mystery, évidemment. House. Donc, c'est le fun parce que, bon, on voit qu'on a une visibilité à l'extérieur. Puis un son, une sonorité de groupe québécois. C'est drôle, c'est même si vous ne vous consultez pas. Donc, gens de Québec et de l'extérieur, venez nous même voir. Même si toi, tu participes d'ailleurs, tu travailles en enregistrement, puis tu as travaillé avec Red Sun sur leur album, comme tu pourras. Sur le premier album et sur le dernier. Là, premier et le tout dernier. Oui, le tout dernier. Ah, donc, on a renoué, moi et Simon, dans le sens que Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble, mais là, on a décidé de travailler ensemble puis de faire un spectacle ensemble. Ça va être de quoi de vraiment le faire. À ne pas manquer. À ne pas manquer. On va en reparler de toute façon, c'est sûr. Là, on est encore tôt. Oui, c'est ça. La belle saison s'en vient, mais là, étant donné qu'il pleut, là, on s'installe tranquillement puis on écoute de la bonne musique. Oui. Si on écoutait une pièce de Daily Project. Oui, oui. Making Sense. Oui, ben pas la pièce sur l'album Making Sense, mais la pièce s'appelle Nothing Here is Innocent. Innocent, je me souviens plus du Oui, d'ailleurs, Désolé. C'est Francis Foy qui fait les textes, hein, depuis le début. Depuis avec le début, toi. C'est ça, oui. Bon, ben écoute, moi je propose qu'on écoute ça, puis qu'on enchaîne avec une nouveauté. C'est un groupe de la Norvège, je sais pas si tu le connais, Magic Pie. Oui, absolument. Tu as déjà entendu ça. Oui, très bon ils ont eu quelques bons disques. Là. Ça faisait quand même quelques années, déjà 4 ans, qu'on en a entendu parler d'eux. Et cet album-là, c'est Fragments of the Fifth Element. Ça va sortir à la fin août. On écoutera une pièce, c'est leur première pièce qui vient juste d'être disponible, là, The Man Who Had It All, juste après The Lee Project, puis on revient après pour encore quelques mots. Nothing here is relevant. We are just an experiment. What we is too heavy. I'll care for you if you care for me. This is not an accident. No one here is innocent. Have we become the enemy? Who we are is what you see. his own business. They found him by the pigsty with a grin upon his face and a good book in his hands, as if to say, just kept repeating. station in the shiny old Grand Central Station, in a canopy philosophy, in the breezy sway of cars. We're in the age of stars. We are living in a macro constellation, in the shiny old Grand Central Station, in a canopy philosophy. It's our nicotine, it's our tar. We are in the age of stars. Oh! La formation américaine Is, tirée de leur plus récent album Don't Panic, un album dont on vous a déjà comme fait jouer au moins deux extraits. Là. Il y a Jean-François et Bruno. Tout le monde l'aime, je pense. Hein. On les a vus au Festival Terra Incognita, puis on est pas mal sur un high. D'ailleurs, c'était leur spectacle de lancement. Je suis toujours avec Stéphane Desbiens. Stéphane Desbiens, merci d'avoir d'être venu à l'émission nous parler de votre spectacle qui va avoir lieu le 5 octobre avec Red Sun. C'est ça. Puis merci à vous autres. Je sais qu'on va se revoir avant le spectacle. On va venir reparler du spectacle. Là, certainement, là, pour la rentrée. Là. Oui. La rentrée de septembre. Oui, exactement. On va venir faire quand on va parler de tous ces événements de spectacles qu'on va avoir à l'automne. Mais d'ici là, portez-vous bien, reposez-vous. Bon j'imagine été. Que vous allez pratiquer. On va pratiquer fort, on va travailler fort. Vous allez travailler sur votre concept. Alors, ça va être bien le fun de voir ces deux formations de Québec ensemble pour un spectacle unique. Là. Oui, hein? Vraiment. Il faut le dire, c'est un événement. Ben merci, puis à bientôt. Merci beaucoup. Super. Et nous, on va poursuivre en musique avec United Progressive Fraternity. Ça, c'est un projet d'un des fondateurs de Unitopia de l'Australie et également Steve Unruh qui participe à The Samurai of Prague, qui est un Américain multi-instrumentiste. Il fait du violon, de la guitare, il chante, des claviers. On pense qu'il dort jamais, ce musicien-là. Alors, donc, ce nouvel album de United Progressive Fraternity, c'est un album qui parle beaucoup du problème environnemental de la planète. Donc, Planetary Overload Part 1, Loss. Et il y a des pièces dans ça, comme une de très longue qui parle de la banque des semences. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, Stéphane. Ils ont fait, dans les pays scandinaves, dans le pergélisol, ils ont fait comme une espèce de caverne là, contrôlée où ils gardent toutes les semences du monde entier. Puis si jamais il arrivait une épidémie ou quelque chose de bien épouvantable sur la Terre ou que des parties sont bombardées, par exemple, la Syrie est bombardée, toutes les semences sont détruites, mais eux, ils gardent des échantillons de chacune des semences du monde entier. En tout cas, donc, il y a une belle réserve. Il y a une des pièces là, où ils parlent de ça. On parle beaucoup de l'environnement. Il faut protéger l'environnement. Puis les textes, là, on reconnaît des pièces connues. Par exemple, on dit « Ah, ça, j'ai entendu ça dans Pink Floyd The Wall » ou « Oh, tel texte. » En tout cas, quand je l'ai écouté, j'ai vu plein de clins d'œil. C'est un beau concept. Des clins d'œil à des pièces comme par exemple de Yes ou peu importe. En tout cas, c'est un long concept. C'est un album double. Là. Il y a un premier CD qui est le United Prog Fraternity plus récent, puis un deuxième CD. Alors, on écoute deux pièces de ça. Une première pièce intitulée What Happens Now et au retour de la pause, Cruel Times. Alors, merci encore, Stéphane. À la prochaine. On y va en musique avec United Progressive Fraternity. CKRL. Du 27 au 30 juin, Québecor présente, en collaboration avec Hydro-Québec et la bière Bellegueule, la 36e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Prenez le large le temps d'une longue fin de semaine pour lancer la saison estivale en beauté. Mettre du sable entre vos orteils et de la bonne musique dans vos oreilles. Au programme, Loco Locas, Jérôme 50, Bertrand Belin, Hubert Lenoir, Lou-Adriane Cassidy, Raton Lover, Mes Aïeux et plusieurs autres. Informations et billetterie sur chansontadoussac.com. Une invitation de Desjardins. La boîte à pain présente le pain du mois. Seigle et carvi. Planté à l'automne, le seigle conserve ses vertus malgré son exposition à l'hiver. Il est comme le Québécois, un guerrier résilient qui peut enfin sortir sa guitare et chanter autour d'un feu de camp. Seigle et carvi à 25% de rabais. Quand t'as des croûtes à manger, il faut que ça goûte bon. Boiteapain.com. Is our world so dry and dense? One crack in a series of events. The gorge grows wider. We try to be clever. We've lived like this forever. We're rushing to save the things we own. We've been here before. We can all seem lost. Take a deep breath. Someone cries out, these are cruel times. Nothing can make that untrue. These are cruel times, but there is so much we can do. Shining light. Another place, another time. Water United Progressive Fraternity, tiré de leur plus récent album, c'est leur second. Planetary Overload Part 1, Loss, alors la perte. Alors on s'imagine qu'il va y avoir un Part 2 et il y a plein d'artistes invités, là, sur, dont Michel Saint-Père d'ailleurs à la guitare sur une des pièces du Canada, mais il y a des artistes de partout à travers le monde. Alors, un album à découvrir, United Progressive Fraternity. On va poursuivre en musique avec la formation Big Big Train. Big Big Train, depuis là, The Underfall Yard et franchement, là, 2007, là, c'est une formation qui ne cesse de produire d'excellents albums. Celui-là, Grand Tour, franchement, là, il est très bon. Quand je l'écoutais au début, je me disais, bon, peut-être un peu moins bon que les autres, mais non, ben pas du tout. Après plusieurs écoutes, là, c'est le contraire. Je le trouve absolument excellent. Très, très orchestré, avec une richesse là, des instruments d'orchestration incroyable. La pochette, là, c'est franchement, on voit pas ça souvent. Très cartonné, avec une superbe présentation. En tout cas, c'est quelque chose. Big Big Train, on aura la pièce de Florentine. Et également, on va poursuivre avec une nouveauté italienne. C'est un groupe qui avait été formé dans les années 70, en 74, et qui s'était séparé en 78. Ils n'avaient pas réalisé d'album. Et ils ont fait un premier album en 2014. Il s'agit de Sessione Frenante. Alors, ils viennent de faire paraître un nouvel album, donc leur second. Nuove Dimensioni. Alors, leur premier, c'était Metafora di un Viaggio, paru en 2014. Alors, cinq ans plus tard, la nouveauté de Sessione Frenante, et on aura la pièce E Nata una Stella, qui signifie une étoile est née. Alors, on y va en musique avec Big Big Train et Sessione Frenante. Yeah.

CKRL, communication, culture. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Jeunes musiciens du monde, la Maison des femmes de Québec, Centre d'art La Chapelle, Association pour la défense des droits sociaux Québec métropolitain, Production Rhizome. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. La Nine Quasi présente Seb's Music Shop de Sébastien Plante, chanteur du groupe Les Respectables. Accompagné de son drum de style New Orleans et de ses guitares, il revisite ses différentes influences musicales. Seb's Music Shop en solo, le samedi 14 septembre, à la Nine Quasi dès 21h. 20$ en pré-vente, 25$ à l'entrée. Billets disponibles à la Nine Quasi ou via lepointdevente.com. Ninkasi.ca, 18 ans et plus. Et de retour, ce qu'on a entendu juste avant la pause, la formation italienne Sezione Frenante, c'est leur nouvel album, ça vient tout juste de paraître, l'album Nuove Dimensioni. Et comme vous avez pu le constater, c'est très bon. Juste avant, on avait Big Big Train de leur plus récent album, un album intitulé Grand Tour, et c'était la pièce Florentine. On y va maintenant en musique avec le nouveau Samurai of Prague. Alors, il y a Jean-François et France qui vous en ont présenté un premier extrait il y a deux semaines. Et c'est un excellent disque, franchement, très classique. Là, les premières pièces sont instrumentales, puis il y a une belle orchestration dans ça. Il y a toujours plein de collaborateurs, comme à l'habitude. En plus des trois musiciens, Marco Bernard, Kimo Porsti et Steven Roux, qui sont toujours là. Alors, sur la pièce que j'ai choisie pour vous, une pièce intitulée « Au contraire », il y a Oliviero Lacagrina au clavier et Marc Papeguin à la trompette et au corps français. Alors, on y va avec cette pièce. Au contraire, on aura également une nouvelle formation de la Grèce. Puis ça va faire une transition avec l'autoroute. Là, il y a Jacques qui est déjà en train de se préparer, tout ça qui est arrivé. L'autoroute s'en vient à minuit. Alors, pour faire une transition, une nouveauté. C'est un jeune groupe de la Grèce, mais c'est enregistré à la façon fin des années 60, début 70. Et c'est un beau jam, là. Il y a une belle émotion. C'est chanté en anglais. Vous allez voir, là, c'est très bon. Prisma, le nom de la formation. P-R-Y-S-M-A. L'album Closer to Utopia. Alors, on aura une pièce de ça, la pièce Bad Time to Dream. Et on terminera avec Serge Fiori et un montage qui a été fait sur Seul Ensemble pour le Cirque Éloise. Ça débute le 20 juin prochain au Capitole. Et vous allez voir la version qu'ils ont fait avec le corridor. Là, c'est vraiment spécial, le montage. C'est très bon. Je trouve la partie la plus réussie de ce disque. C'est mon jeu. Mes goûts personnels. Alors, on y va tout de suite avec donc Samurai of Prague, Prisma et Serge Fiori. Thank you. go back to life. We were swimming for a long time. We just forgot to look behind and see the truth, 'cause we preferred to stay there up to the roof. We were dreaming and the sky wasn't blue. Traveling from place to place is what we like to do. But now it's time to wake up and walk alone. It's time to stop or your emotions will explode. Are we swimming or are we living on the road? Try to fight to prove there was nothing to hide. We saw the creatures from our dreams standing clean out alone. We didn't fear. We chose to grow. We'll be right back. zone et au plus tout s'assemble, comme c'est beau de tout laisser vivre sans dire un mot. Seul ensemble, plus on est loin, plus on se ressemble. Le repos, c'est mourir pour apprendre à vivre. Laisser vivre, c'est mourir quand il le faut. Ma tête s'est mise à bouger comme le bout d'une chandelle. La raison part en fumée, on n'aura plus besoin d'elle. La flamme sort des deux. Moi je brûle de la tête aux pieds, au milieu de mon corps, monte un grand corridor. Thank you. Ouais, ça c'est du bon rock, on pourrait dire proche du progressif, avec Serge Fiori et le Seul Ensemble pour le Cirque Éloise. C'est l'album qui est paru cette année. Et c'était le Corridor qui était tiré à l'origine de l'album Leptade, paru en 1976. Ça, c'est comme un des joyaux du rock francophone québécois. Alors, c'est tout pour l'émission Terra Incognita. Vous étiez en compagnie de Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet à l'animation et au choix musical. On a eu également Stéphane Desbiens qui était avec nous en début d'émission pour une entrevue. Alors, restez des nôtres pour l'émission L'Autoroute dans quelques instants avec Jacques Dulac. Le meilleur de bonne musique rock pour toute la nuit avec nous à CKRL. On vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Continuons de croire que notre couleur de peau est la plus belle. C'est notre civilisation la meilleure. K. Notre religion la seule vraie. R. Et à la fin, L. Crevons d'être trop riche, d'être trop gras, d'être trop con. Alors que faire? J'explique, je démontre. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? J'anime. C'est KRL. Communication, culture. Vous avez le goût de faire de la radio, de partager vos connaissances ou vos découvertes musicales avec nos auditeurs? Proposez votre projet d'émission à CKRL pour la saison estivale ou la saison automne-hiver 2019-2020. Comment faire? Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et remplissez le formulaire en ligne. Faire partie de l'équipe de bénévoles de CKRL, c'est faire partie de la plus ancienne radio communautaire francophone au monde. Tentez votre chance. Vous avez jusqu'au 14 mai pour la saison estivale et jusqu'au 2 août pour la saison automne-hiver 2019-2020. Cette semaine en nouveauté au cinéma Sainte-Foy et Loretteville, Comme des bêtes 2, Mon garçon, Pavarotti et X-Men Phoenix Noir. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. Avec Sentier Secret, j'aime installer une bulle paisible pour explorer cet espace de révélation que m'offre chaque auteur, compositeur, interprète ou musicien. C'est Suzy Turcotte qui vous donne rendez-vous chaque mardi à 13h30. Le nouveau festival Québec Jazz en juin est présenté du 20 juin au 30 juin. Plus de 30 spectacles mettant en vedette près d'une centaine de musiciens dans plus de 10 lieux du centre-ville, ainsi que sur l'avenue Maguire. Brad Meldow, le réputé trompettiste Christian Scott, le bassiste Alain Caron, la légendaire chanteuse américaine Sheila Jordan font partie des têtes d'affiche de cette première mouture. Québec Jazz en juin, du 20 juin au 30 juin. Une collaboration de Arte Boréal en collaboration avec les foyers Dombar et Hôtel Château-Laurier Québec. Programmation sur québecjazzenjuin.com. Billets en vente à la billetterie des salles du festival, sur lepointdevente.com, sur jazzenjuin.com ou à la porte les soirs de spectacle.